Ah, mes amis, je viens de tomber par hasard sur un magazine d'enquête de consommation qui révèle que les produits de beauté se diversifient, que les crèmes amincissantes, que les produits de gommage ou encore les produits qui tendent le pot cartonnent de plus en plus et que le maquillage devient de plus en plus léger. Eh oh, ça va pas ou quoi les greluches? C'est quoi ces histoires de faire dans le léger, dans le discret? N'oubliez quand même pas que, et je le vérifie tous les jours, la radasse vieillit moins bien que l'homme. Et quand je dis moins bien, je veux dire en réalité beaucoup moins bien. Alors, retendre la peau, gommer une cerne, par ici, par là, je veux bien, mais Hartung, attention! Et en plus, vous le savez très bien. Bref, ralentir les ravages de Chronos, les balafres du temps, c'est bien, mais il faut bien l'admettre. Une femme moche reste une femme moche, même avec la police. Alors je vous le dis, les filles, acceptez l'évidence. Vous êtes attaquées à partir de 23 ans. Et vous êtes attaquées, puis c'est tout. Maquillez-vous et arrêtez d'essayer de réparer le mal. Vous connaissez le proverbe manouche qui dit « Si tu veux vendre rapidement ta bagnole, ne perds pas de temps à la réparer. Maquille-la, ça suffit. » La radasse doit se maquiller, c'est mieux comme ça. Il faut arrêter de se voiler la face. Souvent, la face ne doit son salut de pouliche montée que grâce au fond de teint et au rouge à lèvres. Le septième ciel n'est accessible à beaucoup qu'en passant d'abord par le rez-de-chaussée de chez... C'est fort. Ah, quoi que des fois, vous me direz qu'affirmer sa vraie nature, ça a le mérite de ne pas réserver de surprise. Le matin, au moins au réveil, il n'y a pas de scandale. Tu ouvres les yeux et là, tu la vois et tu peux lui dire « Ah bah toi, moi, tu fais pas semblant, hein. T'es moche, mais tu t'en fous. » Bon, maintenant, ce serait bien si tu te cassais chez toi. Attraper une moche le soir à 4 grammes, c'est une chose. La garder le lendemain à Jean au grand jour, c'en est une autre. Hein. Allez, dis merci, ferme bien la porte en sortant. Salut! Écoutez-moi les filles, je ne dis que la vérité. Vous n'aurez pas toujours la chance de croiser le chemin d'un gentleman comme moi. Alors je résume. Les crèmes de lifting, les crèmes amincissantes, pourquoi pas. Mais n'oubliez jamais de vous maquiller par-dessus. Et puis attention, avec la crème amincissante, si par hasard vous vous en mettez un peu sur le front et que ça fait mincir en dessous, vous allez vous retrouver avec un QI de laitue. Bon, je vous laisse. Je file à Monaco. Le prince régnant organise une soirée sonde. Pas sonde spatiale, hein, sonde urinaire. Il y aurait Jean-Paul, Valérie, l'abbé Pierre, sœur Emmanuel et même Dick Rivers. Une fois terminé, faut que je filme préparé pour la journée des lépreux. J'organise une conférence dans un abattoir spécialisé en viande hachée. Allez, au revoir.